Vous écoutez Futur Sam sur CKRL 89.1. Samuel Lauzon au microphone. Nous allons maintenant poursuivre toujours sur le terme du jardinage. Et on va s'intéresser au sol. Imaginez-vous donc qu'il existe plus de 600 types de sols au Québec. Heureusement, Valérie est là pour nous décortiquer tout ça. Figure-toi même, Samuel, qu'il y a une démarche pour déterminer un sol emblème du Québec. Oh, un sol emblème, ouais, OK. Oui, de la même façon qu'on a le Harfang des Neiges, mm-hmm. qui est l'emblème aviaire du Québec. Pour les arbres, toi qui travailles en foresterie, tu dois savoir... C'est le bouleau jaune, c'est ça? Voilà, c'est exactement. Ça. Et pour les fleurs, c'est l'iris versicolore. Alors, pour les sols, ce serait le sol de Sainte-Rosalie, près de... pas près de Québec, je ne sais plus, plus Saint-Hyacinthe, pardon, voilà, okay. Je ne me souvenais plus. Donc, cette idée de sol en emblème, c'est une initiative de l'Association québécoise des spécialistes en sciences du sol. C'est une initiative qui a commencé dans les années 2000. Il y a eu tout un processus pour proposer des sols candidats. Le choix s'est porté sur 5 sols, donc celui de Sainte-Rosalie, celui de Sainte-Agathe, de Saint-Urbain, de Kamouraska, d'Ivry. Donc 5 sols qui ont des caractéristiques, des histoires, des utilisations différentes. Il y a eu un vote qui a été remporté par le sol de Sainte-Rosalie. Ensuite, l'Association québécoise des spécialistes en sciences du sol a proposé à l'Assemblée nationale de faire du sol de Sainte-Rosalie le sol emblème du Québec. Mais pour ça, il faut jouer dans la législation. En particulier, je l'ai appris, faut jouer dans la loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec. Il y a une loi là-dessus. Ah, oui. Et puis, la démarche suit son cours tranquillement, lentement. C'est quand même sérieux, là. Oui. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce sol, justement, de Sainte-Rosalie? Déjà, historiquement, c'est le premier sol qui a été décrit par des scientifiques, des gens qui voulaient décrire c'est quoi un sol. Donc, c'est le premier sol qui a été décrit, c'était en 1942. Donc, il y a un côté historique. Il a été décrit à Sainte-Rosalie, mais en fait, c'est un type de sol qu'on retrouve plus largement dans la plaine du Saint-Laurent, de Gatineau jusqu'à Trois-Rivières. Donc, un sol très présent au Québec. Donc, okay, ça aussi, ouais. Ça a apporté c'était un critère pour choisir ce sol-là. Ensuite, c'est un sol très fertile. C'est mm-hmm. même le sol, le type de sol le plus cultivé au Québec. Ah, donc, ça veut dire que c'est un sol qui est associé au développement agricole et donc au développement économique du Québec. Puis aujourd'hui, il y a des terres cultivées sur ces sols-là, mais avant, c'était des forêts feuillues avec des érables, des ormes, des tilleuls et aussi des pins blancs. Et il est composé de quoi et c'est quoi exactement qui le rend fertile, ce sol-là? Ouais. C'est un sol qui est formé à partir de sédiments argileux qui se sont déposés au fond de la mer de Champlain. Il ne comporte pas beaucoup de pierres, donc c'est ça qui est pratique pour l'agriculture. Il n'y a pas besoin de faire des gros travaux de dépierrage. par contre, c'est un sol qui retient l'eau, donc il a besoin d'être drainé. Donc il y a des canaux, fois il y a des canaux, on les voit à l'extérieur, mais aussi des drainages souterrains. Mais des sols argileux, en fait, il y en a plein de sortes. Et là, on entre dans la classification des sols. J'ai appris qu'il y a, comme tu disais en introduction, presque 700 types de sols au Québec. Il y a plusieurs milliers de sols au Canada. J'ai appris qu'il y a un système de classification canadien des sols pour classer tous ces milliers de sols. Moi, quand je marche sur un sol, je pensais que c'était à peu près tous les mêmes. Je voyais bien qu'il y avait des différences, mais de là, penser qu'il y avait des milliers de sols répertoriés. Donc, ils sont classés. C'est une classification qui rappelle la classification des plantes et des animaux. Donc, dans ces classifications, il y a une espèce d'emboîtement, des boîtes les unes dans les autres, qui vont du règne jusqu'à l'espèce. Okay. Donc, par exemple, dans la grande boîte du règne animal, il y a les boîtes pour les animaux vertébrés, d'autres pour les animaux invertébrés. Dans la boîte des vertébrés, il y a des boîtes pour les oiseaux, des boîtes pour les mammifères, des boîtes pour les poissons. Dans la boîte des mammifères, il va y avoir une boîte pour les carnivores, une boîte pour les rongeurs, une boîte pour les primates, etc. Puis dans la boîte des primates, il y a une boîte pour les singes qui ont une queue, puis une boîte pour les singes qui n'ont pas de queue, et puis on finit par arriver à l'humain. Donc, c'est un emboîtement de boîtes comme ça. Oui. C'est pareil pour les végétaux. Il y a aussi un emboîtement, une hiérarchie de boîtes qui portent des noms, donc la boîte du règne, les boîtes des embranchements, les boîtes des classes, des ordres, des familles, des genres, des espèces. Et bien, figure-toi, Samuel, que c'est pareil pour les sols. Pas exactement, mais un petit peu le même genre. Okay. Donc, il y a des ordres de sols. Dans ces ordres, il y a des groupes, puis des sous-groupes, okay. puis des familles, puis des séries. Donc, okay. une espèce de classification. Et dans cette classification, le sol qui est proposé pour l'emblème du Québec, c'est la série Sainte-Rosalie, qui appartient à l'ordre des glaissols et, oui, et au sous-groupe humic-ortique. Oh. Un peu compliqué tout cela. Oui. Et sur quoi se base cette classification-là? Là, c'est assez complexe. Là. Ouais. Ben, en tout cas, ça me semble. Mais oui, c'est compliqué. En fait, c'est là qu'on voit que ce qu'il y a sous nos sols, c'est vraiment pas n'importe quoi. Donc, ça se base sur la composition du sol, sur de quoi est constitué le sol. Et ça m'amène à parler de la formation des sols. Donc d'abord, dans le système de classification canadien, il y a les sols et les non-sols. Oh, les ouais. non-sols. Ouais. Alors okay. les non-sols, c'est le roc nu. Donc il peut être d'accord. de la roche dure, donc on voit un affleurement rocheux, donc du granit, une dalle de granit par exemple, mais aussi du sable. Du sable en tant que tel, c'est une roche ouais. meuble, hein, ben, quand il n'y a rien qui pousse dessus. Bon, donc ce sont des non-sols. Pour parler du sol, il faut qu'il y ait de la matière organique qui se mélange à la matière minérale. Puis okay. dans l'histoire de la Terre, bah, avant que les plantes ne colonisent la terre ferme et apportent de la matière organique, bah, il n'y avait pas de sol proprement dit, le roc était tout nu. Et donc le sol, c'est un mélange de matière minérale et organique en différentes proportions. Mais tout part de la matière minérale. Alors, au Québec, la matière minérale provient des particules en suspension, qui étaient en suspension dans les mers de Champlain, okay. après la glaciation. Donc, tout ça s'est déposé, bon, c'est plus ou moins ruisselé, été plus ou moins entraîné avec les rivières, etc. Donc, ces particules se sont déposées au fond de la mer de Champlain, et c'est à partir de ces particules que se sont formés les sols. Alors, ces particules, elles peuvent être d'origine granitique ou d'origine calcaire, mais ce qui est important, c'est plutôt la taille des particules. Les plus petites particules, c'est du limon, ensuite il okay. y a du sable, après il y a de l'argile. Et puis généralement, la taille des particules n'est pas homogène. Donc s'il y a une grande majorité d'argile, ça fait un sol argileux. Si c'est une majorité de sable, ça fait un sol sableux, puis un sol limoneux. Mais il y a des intermédiaires, des fois, selon les pourcentages. D'accord, moi oui, Donc c'est ça qui détermine les sols et ensuite qui va déterminer les classes, etc., les sous-ordres, etc., ces proportions. De ces différentes tailles de particules. Et dans la plaine du Saint-Laurent, on a surtout des sols argileux. Et donc le sol de Sainte-Rosalie, c'est un sol argileux. OK, mais il manque la partie organique. Elle arrive comment? Oui, ouais, c'est ça. Oui, exactement. C'est vrai. Ben, on peut imaginer, pour ceux qui ont voyagé ou qui sont allés dans le grand nord du Québec ou qui ont voyagé dans les régions... désertiques ou alors qui sont allés en haute montagne, le roc est nu et ce qu'on voit pousser en premier sur les rochers, c'est des lichens. Mm-hmm. Puis ensuite, il y a des mousses qui s'installent. Ça commence à faire un petit peu de matière organique qui s'installe. Après, avec ces mousses, il y a un cortège de micro-organiques qui va pouvoir décomposer la matière organique des mousses. Et cette matière organique en décomposition, ça va se mélanger aux éléments mm-hmm. minéraux et c'est là qu'on va commencer à former un sol. Puis ce premier sol qui est encore faible, hein, il n'est pas encore très riche, mais il va pouvoir accueillir des graines de plantes un peu plus grandes, des plantes un peu plus gourmandes et exigeantes que les premières mousses. Mm-hmm. Donc là vont arriver des graminées, là, des grandes herbes, puis des buissons, puis des arbres, des arbustes, des arbres. Et à partir du moment où la végétation s'installe, bah, ça fait de la matière organique qui va enrichir la matière minérale. À cause des racines qui sont dans le sol et qui s'enfoncent dans le sol puis qui un jour vont se dégrader ouais. et puis aussi même les feuilles qui tombent, qui se dégradent et qui sont enfouies sous une autre couche de sol à l'automne suivant, bah, tout ça finit par s'accumuler, se dégrader puis se mêler à la matière minérale qui est en dessous. Donc il se forme comme ça une couche de matière organique en surface qui se mêle plus ou moins avec la matière minérale. Puis en même temps, bah, les plantes elles aussi finalement elles participent à cette transformation parce qu'elles vont puiser les éléments minéraux. Ben oui. Et les racines vont, quand elles grossissent, les racines, quand elles vont se promener, ben, quand elles vont s'allonger, elles vont dégrader, elles vont forcer aussi sur la matière minérale. Donc, ça va aussi participer à la dégradation de la matière minérale. Donc, c'est une co-construction entre la matière organique et la matière minérale. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça me fait penser, on parlait de carbone là, en premier, ouais, et des matières organiques là, en première partie d'émission. Ouais. Il y a aussi des insectes, des vers, des champignons là, dans le sol qui ajoute de la matière organique, si je ne me trompe pas. Ben oui, tu as bien raison. Donc, tout ça, ça participe à la formation du sol. Les fourmis, les vers, tout ça, ça fait des galeries dans le sol. Donc, ça aère le sol. Ça va faciliter aussi le passage de l'eau. Ça va permettre l'écoulement de l'eau. Ça va aussi oxygéner, favoriser aussi l'oxygénation du sol et donc favoriser des réactions chimiques en même temps. Oui, il va y avoir des réactions de réduction, d'oxydation. Puis ben, il y a les champignons comme les mycorhizes qui vont participer aussi au transfert des éléments nutritifs vers la plante. Donc finalement, le sol, c'est quelque chose de vivant, finalement. Et puis, si en fait, on s'en aperçoit pas tellement tout ça parce qu'on le voit pas, le sol, on marche bon, sur le gazon, on marche ou même en forêt, on marche sur le sentier, mais on sait pas ce qu'il y a en dessous. Mais si on prend une pelle et qu'on creuse, on peut voir cette transformation du sol en partant de la matière organique et en surface. Et puis quand on descend, on va descendre vers le roc en profondeur. Il y a des réactions chimiques, comme je disais, des oxydations qui font que le sol change de couleur. Et on peut voir les différentes couches de couleurs. Du sol, exactement, ouais, les horizons du sol, exactement. C'est comme ça que ça s'appelle. Puis les différentes textures. Donc ça, c'est la nature de ces couches qui aussi qui va permettre de préciser la classification des sols. OK, d'accord. Donc, j'imagine si un sol, tel sol est au-dessus de l'autre, où on va pouvoir le caractériser. Mm-hmm. Et selon la nature de la couche, tous les sols n'ont, j'imagine, n'ont pas la même qualité pour l'agriculture, là. C'est ça, exactement. Donc, ça va dépendre du pH du sol, de l'aération, de la circulation de l'eau dans le sol, et ça dépend de la granulométrie, c'est-à-dire de la taille des grains de sable, de l'argile ou du limon. Le sable est plus gros que l'argile et que le limon, donc entre les grains de sable, il y a des interstices où l'eau peut circuler plus facilement, alors que les grains d'argile sont plus petits, et donc les sols argileux ont tendance à être imperméables. On peut le savoir aussi au toucher à quel type de sol on a affaire. Un sol sableux, il est granuleux, il n'y a pas de cohésion entre les particules, il a tendance à nous filer entre les doigts, alors qu'un sol argileux, il fait des mottes qui restent dures, qui ne se déforment pas facilement. Puis quand il est mouillé, il devient collant. Okay. Alors, je ne sais pas quel type de sol tu as chez toi. Je pense que c'est un sol organique surtout. C'est un mélange, en fait, il n'y a pas juste la mettre. Oui, tout à fait. Donc c'est un sol qui a tendance à se compacter, comme je disais, là, un sol argileux. Un sol limoneux, il est plus poudreux, c'est une fine poudre douce, et quand il est mouillé, il est glissant comme du savon. J'aimerais bien faire l'expérience de ça. Je crois que c'est pas ce type de sol qu'il y a chez moi, en tout cas, je crois pas. Donc en fonction de ses propriétés, à se compacter ou non, à retenir l'eau ou à se drainer facilement, toutes les plantes ne vont pas avoir la même facilité à pousser. Donc, par exemple, dans un sol sableux qui reste meuble, ça convient bien à la culture des carottes. Ils vont pouvoir pousser en profondeur. Oui, tout à fait. Des asperges aussi, je pense. Oui, tout à fait. Les pommes de terre, les pommes de terre, des asperges. Ouais. Par contre, dans un sol argileux, les sols argileux sont riches en nutriments, donc vont être propices pour des plantes gourmandes comme les tomates, mais il faut faire attention de bien les drainer. Mais justement, là, ça me fait bien drainer tout ça. Je disais que mon sol chez moi était organique, mais ce qu'on appelle souvent les sols organiques, c'est des sols vraiment mal drainés, comme les tourbières. Là. Ça va être vraiment des sols très organiques. Oui. Mais à force de cultiver les sols, là, les sols vont s'épuiser, j'imagine. On doit mettre de l'engrais. Ouais. Est-ce que c'est bon pour la santé du sol? On sait effectivement que l'agriculture intensive a tant à dégrader les sols. Tu disais que c'était pas forcément bon pour la biodiversité, mais ça tend aussi à dégrader les sols. En 1990, il y a eu un inventaire des problèmes de dégradation des sols agricoles, et plus récemment, c'est le MAPAC qui a voulu faire le point sur la dégradation des sols agricoles et qui a confié à l'IRDA, c'est l'Institut de recherche et de développement en agronomie, de mener une étude pour évaluer la dégradation de la santé des sols. Donc c'est une étude d'une durée de 5 ans qui a commencé en 2017. Donc le rapport devrait sortir sous peu. Mais il y a eu des rapports intermédiaires qui, chaque année, en fait, qui donnent déjà une bonne idée. Okay. Dans cette étude, il y a plus de 400 parcelles qui ont été échantillonnées. Ouais, ça représente 71 types de sols. Et les sols ont été testés pour mesurer différentes caractéristiques du sol. Donc, pour chaque type de sol, en fait, il y a des échantillons qui ont été collectés dans les terres cultivées et non cultivées pour voir l'effet de la culture, justement, pour voir l'effet de l'agriculture. Et donc, ce qu'on constate, par exemple, c'est que les scientifiques ont mesuré la quantité de carbone qui peut être corrélée à la quantité de matière organique. Et il apparaît que pour un même type de sol, il y a moins de matière organique dans le sol cultivé que dans les sols non cultivés. Ah oui, okay. Donc, ça veut dire qu'il y a le fait, dans les sols cultivés, il y a un appauvrissement en matière organique. Okay. Dans le sol. Pareil aussi, dans les sols cultivés, la porosité diminue. Donc, les sols cultivés sont plus compacts, particulièrement dans les sols argileux de la plaine du Saint-Laurent, qui sont cultivés de manière intensive. Oui, c'est ça. Je me demandais justement, c'était-tu parce qu'ils étaient cultivés de manière intensive? Bah, c'est à cause de la machinerie, en fait. La machinerie, c'est quand même des engins qui passent et qui repassent, donc qui ont tendance à compacter les sols. D'ailleurs, il y a quand même des travaux pour essayer de faire en sorte que ces grosses machines mettent moins de pression pour moins compacter les sols. Les sols argileux aussi sont plus susceptibles de se compacter que les sols sableux. Dans la plaine du Saint-Laurent, on a les sols argileux, on a plus de sols argileux. Donc l'agriculture intensive a tendance à compacter ces sols-là. Et les scientifiques ont aussi mesuré le taux de phosphore dans les sols. Et là, ce sont les sols autour des élevages qui ont des taux de phosphore les plus importants. Donc ce n'est pas l'agriculture, mais pas les plantes en elles-mêmes, mais c'est l'élevage. Donc les sols ont un taux de saturation en phosphore qui compromet la qualité de l'eau. Maintenant, c'est bien de faire cet état des lieux des sols agricoles, mais il faut prendre des mesures pour arrêter ces dégradations. Là, c'est bien de faire des mesures, mais il va falloir prendre des mesures pour prendre des politiques. Des politiques, oui, tout à fait. Pour arrêter cette dégradation. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est sur l'état des sols, c'est leur disparition avec l'urbanisation. Là, ça revient un peu à ce qu'on parlait. En tout cas, on fait une boucle là, ici. Oui, c'est vrai. Donc là aussi, on a un problème. Il y a bien une loi sur la protection des terres agricoles, mais il semble qu'elle manque parfois de mordant. On voit des terres agricoles qui disparaissent sous des développements immobiliers ou sous des zones, des parcs industriels. Ces sols agricoles sont partis. Donc il y a des données disponibles sur le site de l'Institut de la Statistique du Québec qui donnent le changement d'utilisation des sols de 1990 jusqu'à 2013. On voit que les terres agricoles sont passées en gros de 26 000 km² à 25 000 km², donc une perte de 1 000 km². Oh. Donc évidemment, l'étalement urbain a mangé une partie de ces kilomètres carrés de sol agricole. Les surfaces artificialisées ont augmenté en fait de 500 km². On s'en doute un petit peu, on voit l'étalement urbain. Non, c'est tout à fait, tout à fait. Mais c'est pas seulement les villes, c'est ça qui m'a surpris quand même en regardant ces données, c'est que c'est pas seulement les villes qui mangent les terres agricoles. En fait, il y a aussi une perte des terres agricoles au profit des forêts, probablement des terres agricoles qui sont laissées en jachère et que la forêt regagne. Donc là, finalement, on n'a plus la terre agricole, mais on n'a pas de perte en termes de biodiversité, au contraire, même en termes de biodiversité, de qualité de sol. Les sols, on peut penser qu'il va y avoir une accumulation de matière organique dans ces sols-là, on peut penser. Au moins, là, ces sols-là restent naturels, alors que les sols qui disparaissent sous l'asphalte, eux, ils sont artificialisés et c'est un processus difficilement réversible. Tout à fait. Puis finalement, la production de sol, c'est quand même un processus qui prend des milliers d'années. Et on détruit ça jamais. Avec les pelles mécaniques. En quelques coups de pelle. Ça serait intéressant de voir les données avec une, l'agriculture non industrielle ou une agriculture biologique ou moins de machinerie ou avec des principes de d'agroforesterie là, qui mettent des arbres aussi. Souvent, on dit qu'il va y avoir plus de matière parce que la litière des arbres et tout. En tout cas, ça serait intéressant de voir tout ça. Puis aussi, ben une chose qui est de plus en plus à la mode, là, c'est, ça me fait penser à ça en t'entendant, c'est la mycorhize, tu sais, beaucoup, là, tu sais, aussi dans les centres jardins, maintenant, c'est rendu, là, le fameux Mike, là, qui est comme une mycorhize qu'on peut ajouter. En tout cas, on peut faire ça dans notre petit potager pour nous, mais les agriculteurs qui doivent produire en grande quantité, je pense que ça doit falloir trouver d'autres méthodes. Puis ben, c'est ça, c'est qu'il y a quand même un besoin de production, d'un certain volume de production pour nourrir les 8 millions de Québécois. Il ne va pas falloir faire juste des petites parcelles d'agriculture urbaine. Tout à fait. Ouais. Et c'est pas facile hein, de penser. De trouver une solution qui va fonctionner pour tout. Ouais, qui nous nourrissent et qui respectent quand même l'environnement. Qui est durable aussi. Je pense que c'est une question de durabilité. Si on perd nos sols, comme tu disais, ça prend des milliers d'années. Donc, moi j'avoue que quand je vois des sols autrefois cultivables qui maintenant sont minéralisés, je me dis peut-être qu'un jour on va le regretter. C'est quoi le... Les terres des sœurs de la Charité, c'est ça ici, là? À Limoilou? C'est plus Beauport, tout à fait. En tout cas, c'est ça. Je sais pas, je crois, là, en tout cas, c'est toute réserve que ça va devenir. Ils ont une entente avec, justement, pour l'agriculture urbaine avec l'Université Laval. Ah. Je crois qu'il va y avoir comme quelque chose, en tout cas, à voir. Ça va être à suivre. Tout à fait. Hey, merci, Valérie, pour ce plongeon là, dans le monde fascinant des sols. Là. Il y en a beaucoup à dire. C'est déjà tout pour aujourd'hui avec vos animateurs Valérie Levé et Samuel Lauzon.